Mardi 17 novembre 2015, un autre jour est possible. Bonjour, toute cette semaine, en première partie, je vous propose de revivre quelques grands lives du Bataclan. Après Césaria Evora en 95, diffusé hier, aujourd'hui, c'est quelques extraits d'un concert de Jane Birkin, sa première scène d'ailleurs. C'était en 1987 et c'était bien sûr au Bataclan. Signalement, jardin, Jane B, anglaise, de sexe féminin, âge entre 20 et 21. En deuxième partie, toute cette semaine également, Paris, vendredi 13, de loin, de près, ou comment l'événement tragique, les attentats horribles ont été perçus ailleurs dans le monde. Hier, de New York, on a eu Adam Schatz et Kamal Daoud. Aujourd'hui, le Proche-Orient, du Caire à Jérusalem, en passant par Gaza et Bethléem. Nous serons avec l'écrivain égyptien Alal Aswani, le dessinateur israélien Michel Kishka, l'universitaire palestinien Ziad Meddour et le franco-palestinien Karim Katan. Bonheur de peur qui se sauve, que le ciel azuré vire au mauve. Penser ou passer à autre chose vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qui se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil, le pavé radieux. Croire aux cieux, croire aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qui se sauve comme une petite souris dans un coin d'alcôve. Apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. Fuir le bonheur de peur qui se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil au pavé radieux. Croire aux cieux, croire aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qui se sauve. Avoir parfois envie de crier sauve. Qui peut savoir jusqu'où vont des choses et malheureux. Fuir le bonheur de peur qui se sauve. Se dire qu'il y a over the rainbow. Toujours plus haut le soleil above radieux. Croire aux cieux, croire aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur. Sauve, dis-moi que tu m'aimes encore si tu l'oses. J'aimerais que tu trouves autre chose de mieux. Fuir le bonheur de peur qui se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil, le pavé radieux. En hommage aux victimes de ce funeste vendredi 13, Jane Birkin au Bataclan sur France Culture, dans Un autre jour est possible, un extrait d'un concert donné en 1987. Yesterday, yesterday, like any day. Alone again, forever, every day seemed the same sad way to pass the day. The sun went down without me. Suddenly someone else has found my shadow. He said, hello, yesterday, yesterday, like any day. Alone again, for every day seemed the same sad way. He tried to say, what did you do without me? Why are you crying alone on your shadow? He said, I know. Yesterday, yesterday, like any day. Alone again, for every day seemed the same sad way to pass the day. The sun went down without you, folding me in his arms, I become his shadow. He said, let's go. Yesterday, like any day. Alone again, for every day seemed the same sad way to pass the day. Living my life without him, don't let him go away. He's found my shadow. Don't let him go. Yesterday, yesterday, but today. No, I don't care if others say it's the same sad way to pass the day. 'Cause they all live without it, without making love in the shadows. C'était Jane Birkin au Bataclan en 1987. Toute cette semaine, dans notre jour est possible, on va revivre quelques grands moments enregistrés dans cette salle mythique de Paris, devenue depuis ce vendredi, cet horrible vendredi 13, une place symbolique. Demain, on retrouve quelques moments forts d'un concert mémorable, celui de Jeff Buckley en 1995. Un autre jour est possible pour parler autrement de cette journée du vendredi 13. Comment ceux qui n'étaient pas à Paris, qui n'étaient pas en France, ont vécu ces événements terribles, terrifiants. Hier, on était à New York en compagnie de Adam Schatz et Kamel Daoud. Aujourd'hui, on est au Proche-Orient. Le Caire avec Halal Aswani, l'écrivain. Jérusalem avec Michel Kishka, le dessinateur israélien. On passera aussi par Gaza pour retrouver l'universitaire palestinien Ziad Medour. Et on terminera par un franco-palestinien et parisien, Karim Khatan. Et avec nous ce matin pour témoigner, l'écrivain égyptien Halal Aswani, l'auteur de L'immeuble Yacoubian, dernier roman paru, L'Automobile Club. Bonjour Halal. Bonjour. Comment avez-vous vécu les événements tragiques, horribles, de ce vendredi 13 novembre à Paris? Moi j'ai écrit sur Twitter, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai écrit sur Twitter, je soutiens la France contre la barbarie. Et ça a été fait, il y avait beaucoup de retweets. Et après, j'ai écrit en arabe. Et après, j'ai appelé tous mes amis en France. Et j'ai pas mal d'amis en France pour savoir comment ça se passe pour eux. Et jusqu'à maintenant, c'est terrible. Je me sens vraiment triste de ce qui se passe. Et je sens que nous sommes tous, et je dis nous, les êtres humains, nous sommes tous avec la France. Et je pense que maintenant, je me souviens que peut-être avec vous, que j'ai parlé après le Charlie Hebdo, et j'ai dit ça en France, et j'ai écrit ça même en France, que on peut pas être contre le terrorisme et en disant mais. on doit pas être dire, on doit pas dire mais, parce qu'il y avait des gens qui disaient mais. Oui, Charlie Hebdo, c'était du terrorisme, mais aussi on a provoqué je ne sais pas quoi. Maintenant, on voit que ce n'est pas question de caricature, c'est une question de barbares. Vous voyez, on tue les gens comme ça, n'importe quoi, n'importe qui. Les gens qui ont été tués n'ont pas dessiné des caricatures contre le prophète. Enfin, pour terminer, Alal Aswani, Paris touché, Paris capitale de la culture du monde, touché au Bataclan, touché dans ces quartiers populaires où la musique était présente, où il y avait des artistes, mais aussi des Parisiens de cette ville. Est-ce que, pour vous, personnellement, Alal Aswani, Paris représente une ville à part ? Ah oui. Alors Paris pour moi, c'est la culture, c'est la langue française, c'est même mon histoire personnelle. La première fois que je suis venu à Paris, j'avais 19 ans, et j'ai envoyé à mon père, qui était écrivain, francophone aussi, j'ai envoyé une carte postale, j'ai écrit trois mots. Je suis à Paris, seulement. Vous voyez, alors Paris, c'est dans notre cœur, Paris. Mais il y a Paris maintenant passe un moment très dur, ça c'est vrai. Mais je suis sûr que Paris est capable de passer ces moments durs. Paris a passé un moment dur, beaucoup de moments durs. 1940, 1871, vous voyez. Alors Paris c'est une capitale de culture qui est très forte, qui est très puissante, qui est absolument capable de dépasser tout ce qui est barbare. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans Notre jour est possible. Merci beaucoup Alal Aswani. ברחתי למקום אחר כל כך מהר הכי רחוק שרק הצלחתי ואני בפריז האורות הולכים אפור ועננים אני שמחה וטוב לי אבל כל כך קר לי בפריז מסתובבת סחור וסחור בסמטאות קסומות מחושפות בולות אותי אני בפריז בניינים יפים אתם זקנים ועצילים כל כך אבל האם תחממו אותי בפריז Et du Caire, on passe à Gaza pour retrouver l'universitaire chercheur Ziad Madour, professeur de français à l'université Al-Aqsa de Gaza. Quelques heures après les attentats qui ont frappé Paris ce vendredi 13 novembre, vous avez publié sur votre page Facebook un poème qui nous a beaucoup touché, qui a été beaucoup partagé. Merci Ziad Madour d'être ce matin avec nous sur l'antenne de France Culture. Est-ce que vous pouvez nous relire ce poème que vous avez écrit ? Avec plaisir. Donc, comme Palestinien de Gaza, donc on ne peut pas rester indifférent devant ce drame qui a touché les amis parisiens, les amis français. Donc j'ai composé ce poème en solidarité avec Paris, la ville lumière, envoyée de Gaza, la ville assiégée. Amitié de Gaza la vie, à Paris la vie. De Gaza ce blocus, à Paris sous le choc. De Gaza la détruite, à Paris les attentats meurtriers. De Gaza les agressions quotidiennes, à Paris la blessée. De Gaza la souffrante, à Paris la confiante. De Gaza la prison, à Paris la ville lumière. De Gaza l'isolé, à Paris, la ville debout. De Gaza l'espoir, à Paris, l'avenir. De Gaza l'assiégé, à Paris, l'accueillante. Notre combat, nous tous, pour la liberté et contre la haine. Amour, paix, justice et tolérance. Message de Gaza la vie, à Paris la vie. Message de soutien, de solidarité, de compassion et d'amitié. Amitié de Gaza la vie, à Paris, la force de vivre malgré tout. Ziad Madour, Gaza. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. France Culture. Un autre jour est possible. Par Tofik Hakem. Et à Jérusalem, on retrouve Michel Kishka. Bonjour Michel. Bonjour Tofik. Comment, à Jérusalem, vous avez vécu de loin, de près, ce vendredi 13 novembre à Paris? Vous savez, le vendredi, c'est Shabbat. Et on était chez des amis. Et on était à une fête. Et quand on est revenu le soir, j'ai reçu un WhatsApp de mon fils aîné en me disant qu'il y a une tuerie dans Paris. Et on s'est tout de suite... on a allumé la télévision pour voir sur les stations françaises. Donc on a suivi en direct jusque vers 1h du matin. On était 4 adultes, on était tous suffoqués. On était tous abasourdis d'un côté. Et c'est une peine, pour essayer de traduire la mienne, difficile à traduire. C'est vraiment très difficile à traduire. C'est une peine qui m'a... Moi, évidemment, ça m'a transporté 10 mois en arrière, au 7 janvier, puis au 9 janvier. Et au massacre de Charlie Hebdo et au massacre de Hyper Cacher. C'était un sentiment qui ressemblait à ça, mais je voyais aussi la différence. Et la différence, c'est que cette fois-ci, elle était tellement palpable que d'abord, il y avait l'envergure de ce massacre qui s'est déroulé à plusieurs points, le nombre de victimes d'un côté, et puis d'un autre côté, le fait que c'était évident. Mais c'était évident aussi en janvier, mais pas tout le monde ne l'a vu, que c'est la France. C'est la France, c'est la République française, la société civile française, tous les Français à qui la guerre a été déclarée. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser, tout en me disant, qu'est-ce que je vais dessiner, comment je vais dessiner ça, comment je vais dessiner ça, parce que c'est vrai, parce que nous, les dessinateurs de presse, quand on est face à quelque chose de dramatique, on se demande tout de suite comment faire face à ce drame avec nos crayons. C'est vraiment pas du tout évident. À ces heures-là, c'est un métier sûrement très très difficile. Même si vous habitez dans une région du monde, hélas, habituée à ce genre d'attentats. Ben oui, ben, vous savez, d'abord ici, c'est vrai que, étant donné qu'il y a des actes et des guerres et des conflits et des actes de terrorisme et des actes de représailles tellement répétés que je m'octroie même le luxe de ne pas réagir à tous. De dire, bon, là je vais rien dire parce que j'ai déjà dit la même chose il y a 2 mois, il y a 1 mois, il y a 1 semaine. Je vais attendre d'avoir autre chose à dire avant de réagir. Donc je fais presque une espèce de sélection en me disant à quoi est-ce que ça vaut la peine de... À quoi est-ce que je sens que ça vaut la peine, ou à quoi est-ce que j'ai quelque chose de nouveau à dire? Est-ce que ce que vous exprimez, Michel Kishka, vous l'avez retrouvé autour de vous, avec vos amis à Jérusalem, dans la presse israélienne? D'abord, écoutez, j'étais surpris parce que vu que ça s'est passé Shabbat, et que quand même il y a beaucoup de gens Shabbat en Israël qui ne sont pas branchés sur les médias, samedi soir, il y avait un rassemblement sur la place Rabin, en face de la municipalité de Tel Aviv, avec l'ambassadeur de France, Patrick de Maisonnave, et avec Shimon Peres. Et beaucoup d'Israéliens sont allés marquer là leur solidarité avec la France, avec le sentiment que ils comprenaient le sentiment des Français et que les Français devaient sûrement aussi comprendre celui des Israéliens. Et il n'y avait pas que des francophones. Nous, les dessinateurs, on n'est pas payés pour trouver des solutions au conflit. Hein. On est là pour essayer de refléter ce que ressent notre âme et notre cœur. Et aussi d'essayer quand même de voir dans quelle mesure des gens s'identifient avec notre vision des choses, hein, parce que c'est pas évident. On a quand même un peu un art de montrer en une image des sentiments complexes, des situations complexes, par un angle de l'humour, ce qui est pas toujours facile. Et actuellement, là, les dessins que je vois qui ont été faits, j'ai vu un dessin de Damien Glaise de Burkina Faso, j'ai vu un dessin de Danziger de New York, et j'ai vu 2 dessins de Plantu. Et les miens, il n'y a aucun dessin qui soit vraiment souriant. Ce sont des dessins, pour le moment, de compassion. Alors, on va terminer là-dessus, justement, Michel Kishka. Est-ce que vous pouvez nous décrire le dessin que vous avez fait au lendemain des attentats du vendredi 13 novembre à Paris? Dessin qu'on peut bien sûr retrouver à la page de l'émission Un autre jour est possible. D'accord. Alors écoutez, j'en ai fait deux, mais je vais vous parler celui du platane. C'est en regardant les comptes rendus en direct sur les chaînes françaises samedi dans la journée. Je me suis assis avec une feuille blanche et un crayon en me disant je vais me concentrer sur ce qui se dit, écouter bien toutes les paroles qui sont prononcées, voir les images qu'on voit en boucle de ce qui s'est passé au Bataclan et ailleurs, et voir si de cela va naître une idée. J'ai une idée qui s'est presque imposée à moi. J'ai fait une petite esquisse en quelques secondes d'un platane dont on voit le pied surtout, le bas de l'arbre, et autour de lui des feuilles d'automne mortes, rouges, rouges comme le sang. Et parce que ça se passe à l'automne, j'étais à Paris, à Bruxelles, il y a une semaine, l'automne est merveilleux, mais cette couleur rouge et cette feuille morte, hein, c'est presque une métaphore, une feuille morte par rapport à la situation. Donc j'ai dessiné ça avec un mur des quais de la Seine, avec quelques toits de Paris en fond, et j'ai gravé sur le tronc de l'arbre « I love Paris », une manière d'exprimer ma douleur, mais de faire quelque chose de beau. Voilà, j'ai voulu, dans l'horreur, faire quelque chose de beau. Merci beaucoup, Michel Kishka, merci. Merci, Safik, merci beaucoup. Et pour terminer, après Paris le Caire, après Paris Gaza, après Paris Jérusalem, Paris Bethléem avec Karim Khatan, 26 ans, doctorant en littérature, qui est tout à la fois français et palestinien, de Bethléem et de Paris. Et ce vendredi 13, il était à Paris. Et tout de suite après les attentats, le lendemain des attentats, aux premières heures du 14 novembre, vous avez posté une lettre qui a beaucoup marqué les esprits de vos amis, puisque vous l'avez posté sur Facebook. Et ce texte, je vous ai demandé de le partager avec nous ce matin à la radio. Ils avaient accepté, je vous en remercie. J'ai rarement prié avec autant de ferveur que je ne l'ai fait hier. Je n'ai jamais été aussi fier d'être français que je ne le suis aujourd'hui. Il ne faut jamais s'exprimer à chaud. Nous ne sommes pas des politiciens, nous avons le luxe du temps. Pourquoi poster quelque chose sur Facebook? Pour faire son intéressant? Pour se rassurer qu'il y a des choses qui marchent encore dans l'univers, le langage par exemple? On parle beaucoup ce matin des morts dans d'autres pays. Pourquoi est-ce une attaque contre telle ou telle communauté quand l'attentat est au Liban, au Yémen, en Irak, dans ces pays où on pense que la mort violente est coutumière? Et un attentat contre l'humanité tout entière quand c'est en France? Comme si la France représentait l'humanité vivante, mais qu'ailleurs c'était une autre espèce, celle de l'humanité pour la mort. Je comprends cet argument, il est juste et vrai, et je serai le premier à m'insurger des déclarations demain, ou après-demain. Et aujourd'hui, je veux dire des bêtises. Je suis, comme la plupart d'entre vous, sous le choc, et donc susceptible à l'influence de deux bêtises, la religion et le nationalisme. Hier soir, quand je rentrais, et que c'était la panique, les gens couraient, ne savaient pas où aller, j'ai dit des bêtises, j'ai marmonné, j'ai prié Dieu. J'ai prié comme quand je suis dans l'avion, mon petit syncrétisme à moi. Une fois le signe de la croix catholique, une fois celui grec orthodoxe, on ne sait jamais, et des incantations. La Vierge d'abord, puis les autres. J'ai toujours l'impression que la Vierge est plus propice à tendre l'oreille. Elle qui est humaine aussi, qui a souffert en accouchant dans le froid et la nuit. Vous savez, la laine d'une vache, ça réchauffe pas tant que ça. Après la Vierge, je suis passé à Dieu. Je répétais en marchant d'un pas alerte, Dieu est grand, en arabe. C'est drôle, je pense en français, mais j'aime et je prie en arabe. Je disais donc « Allahu Akbar, Allahu Akbar », pendant que pas très loin, d'autres disaient « Allahu Akbar » aussi. Je vous raconte ça pour vous rappeler que mon Allah, c'est votre Dieu. Je ne sais pas si leur Dieu est mon Allah. Je ne sais pas lequel des deux est le Dieu pervers. Quand eux disent que Dieu est grand, ils l'affirment. Quand je le dis, je ne fais que l'espérer, car je n'y crois plus. Mais hier, j'ai voulu y croire. J'aurais beaucoup de choses à dire sur le choix de la rue Bichat. Ce triangle des Bermudes, des trentenaires poussettes et jeunes cons mobilettes, dont je me moquais souvent et que je fréquentais pourtant assidûment. Mais je me souviens notamment de ça. Après la marche pour Charlie, oui, j'y suis allé, J'ai rejoint des amis qui, comme moi, avaient honte, avaient tort d'avoir honte et le savaient, mais avaient honte malgré tout d'être arabes. Nous avons pris des bobos au petit Cambodge et nous sommes réfugiés chez l'un d'entre nous. Le petit Cambodge, ce soir-là, ça avait été à cette bande d'arabes et de juifs, la certitude qu'on était chez nous ici aussi. La dernière fois, donc, j'avais honte d'être un arabe en France. Je ne me suis jamais considéré comme un immigré. Un immigré, ça a la peau basanée et ça parle en prononçant les E comme des I. Pendant Charlie, je me suis rappelé que j'étais immigré, et de première génération, un vrai de vrai, et j'ai ressenti une honte immense. J'ai ressenti une paix inconcevable à l'idée de savoir prier hier. Je n'ai jamais été aussi heureux d'être français qu'aujourd'hui. Promis, pas de nationalisme, pas d'islamophobie, de repli identitaire. Je laisserai ça aux autres, qui ont déjà commencé et qui continueront de plus belle demain après-demain, dans les mois qui viennent. Je sens pour ma part qu'il ne sera pas très drôle de s'appeler Karim en France, quand bien même je peux chanter la Marseillaise, dire le Paternoster, réciter la longue liste des rois de France. Promis, les mots ailleurs, il y a peu à Beyrouth et dans mon autre terre natale, ensanglantée et cruelle, ma Palestine martyrisée, je les porte dans mon cœur aussi. Je n'oublie pas l'injustice que c'est de les considérer comme des morts naturelles, comme des peuples voués uniquement à mourir par le sabre. Promis, demain pas de nationalisme. Demain il n'y en aura plus, mais juste aujourd'hui et juste pour un instant. Ce ne sera rien d'autre qu'un murmure, je vous le promets. Laissez-moi aujourd'hui le dire et le penser. Vive la France. Merci Karim Khatan. Tous les textes qui ont été publiés sur Facebook, celui de Karim Khatan justement, celui de Karim Khatan de Paris, de Bethléem, Ziad Madour de Gaza, sont bien sûr disponibles à la page de l'émission Notre Jour est Possible sur franceculture.fr, ainsi que quelques extraits de nos deux autres invités au téléphone ce matin, c'est-à-dire Michel Kishka de Jérusalem et Alan Aswani du Caire. C'était Un autre jour est possible, préparé avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Philippe Palares. Dans un instant, l'actualité, les matins de France Culture. J'espère vous retrouver demain à la même heure.